Ambroise Paré, né en 1509, non loin de Laval, était le fils d'un pauvre menuisier, faiseur de coffres. Il commença de petites études chez un prêtre, devint aide-barbier, se fit admettre ensuite comme infirmier à l'Hôtel-Dieu de Paris. Après y avoir étudié l'anatomie, il ouvrit une boutique rue de l'Hirondelle, près de la rue Saint-André des Arcs, à l'enseigne des Trois Morts. On sait, comme à cette époque, la chirurgie était dédaignée par les médecins, qu'il a laissé au barbier. Il abandonna bientôt le blaireau pour suivre aux armées plusieurs grands chefs de guerre en qualité de chirurgien. René de Rohan, le maréchal de Brissac, le duc d'Aumale, monsieur de Vendôme, depuis roi de Navarre. Sa réputation vint sans doute des soins adroits qu'il prodigua à François de Guise lorsqu'il reçut la terrible blessure dont il garda le surnom de Balafré. Très populaire pour son humanité, son dévouement, son rare courage, il pansait, droguait, amputait les soldats blessés. C'est ainsi qu'il fit sa première découverte importante, la ligature des artères, véritable trait de génie qui sauva la vie à des milliers de pauvres diables. Dès que la paix revenait, il retournait à Paris, où son expérience, toujours agrandie, lui valait déjà une ample clientèle. Il continuait sans répit de s'instruire et notait dans des ouvrages concis, mesurés, intelligibles à tous, les observations qu'il avait recueillies. Tenace, patient, doué d'un grand bon sens, éminemment pratique et fort ingénieux, son mérite consista à coordonner les connaissances chirurgicales, à perfectionner les procédés, à vulgariser les préceptes. Il n'est l'auteur d'aucune doctrine théorique. Il n'a pas prononcé ex cathedra des principes intangibles. Il s'est modestement contenté de nous faire bénéficier de son expérience personnelle, et c'est pourquoi il est le père de la chirurgie. Bien entendu, il ne pouvait manquer d'avoir et il eut de nombreux adversaires. Ses confrères, confiés dans leur jalouse routine, lui reprochaient de savoir par trop mal le latin. Il s'en riait, le bonhomme. Il ne savait guère le latin, c'est vrai, mais il parlait et écrivait un français facile et savoureux. À 16 heures, il composait même des épîtres en vers. Ambroise Paré fut un révolutionnaire, dit le professeur J. Elfort, bon juge, on en conviendra, en matière de chirurgie. À cette époque, où malgré les efforts d'un Mondeville et d'un Guy de Chauliac, les médecins vivaient encore sous le joug d'une tradition qu'entretenaient pieusement les hommes de la faculté ou ceux qui en tenaient lieu, où les idées d'Hippocrate, d'Aristote et de Galien étaient encore acceptées avec une sorte d'aveuglement. Cet homme, à cause même de son ignorance première et de sa culture rudimentaire, livré aux seules ressources de son bon sens et d'un génie qui s'ignorait lui-même, ne se laissa guider que par l'observation. Certes, il fit aussi de son temps, et comme la plupart de ceux contre lesquels il luttait avec le plus de courage, il acceptait beaucoup d'idées qui nous paraissent enfantines. Mais l'effort qu'il a fait pour s'affranchir et pour se laisser guider par la seule force de sa raison et la seule vertu de l'expérience a fait de lui le grand rénovateur qui a créé la chirurgie véritablement scientifique. Quand il revint de la campagne de Picardie en 1552, Henri II l'attacha à son service en qualité de chirurgien ordinaire. Il partit pour le siège de Metz, fut fait prisonnier à Hesdin et, pour prix des soins qu'il donna au gouverneur espagnol de Gravelines, obtint la liberté sans rançon. Rentré à Paris, il fut reçu docteur par le Collège royal des chirurgiens. Reçu, semble-t-il, un peu en rechignant et par considération pour le roi. Henri II mort, Paré garde ses fonctions près de ses fils, François II, puis Charles IX, qui le prend en vive amitié et le nomme son premier chirurgien. Il l'envoie à l'amiral Coligny lorsque celui-ci est arquebusé par Morvel. Paré extrait les balles qui se sont logées dans la main et le coude. Il était près de l'amiral, veillant à son chevet dans la nuit de la Saint-Barthélemy, quand Guise et ses sicaires viennent l'assassiner. Paré échappe d'assez court au massacre. Il était soupçonné d'hérésie. En réalité, il ne fut jamais huguenot, mais catholique assez tiède, et ses vœux allaient vers les politiques, les sages du tiers-parti, qui rêvaient d'un apaisement national. Il demeura chirurgien d'Henri III. Malgré son âge, il opérait encore. On se le représente dans le Louvre brillant et cavalier des Valois, en chausses et pourpoints de velours noir, le col entouré d'une haute fraise blanche. Il était chauve, portait la barbe grise taillée en pointe. Son nez était gros, ses yeux grands et bruns. Il paraissait à la fois grave et bienveillant. Il s'était marié 2 fois, avait eu 10 enfants, dont il ne garda que 3 filles. Sa vie privée semble avoir été douce et calme, en des jours si orageux. Il mourut le 20 décembre 1590, en sa maison de la rue de l'Hirondelle, et fut inhumé en l'église Saint-André des Arcs, au bas de la nef, proche le clocher. La foule accourut à ses funérailles. Sa vie de travail et de bienfaisance avait fait d'Ambroise Paré l'un des hommes les plus respectés de son temps. Octave Aubry.